France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 57. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 17 décembre 2006, 11h04. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es l'Empire du Milieu, tu es Tiananmen et Cité Interdite, tu es Grand Timonier, tu es Tigre et Dragon, tu es Thé Vert ou Lotus Bleu et tu es aussi... Nous sommes presque à Pékin, la capitale du Céleste Empire. Les gens d'ici ont une civilisation ancienne et raffinée. Aussi, je vous conseille de ne pas vous imaginer qu'ils valent moins que vous parce qu'ils n'ont pas le même langage. Oui, tu l'auras compris, vénérable ami, ce matin tu es Pékin, tu es Beijing. Durant tout l'automne, Pékin a commémoré les 30 ans de la disparition de président Mao. Et oui, faut bien trouver un truc à célébrer en attendant les Jeux Olympiques en 2008. Eh bien, à l'heure où la Chine attire tous les regards politiques, stratégiques et économiques, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de s'intéresser à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la ville de Pékin. Pour commencer, de la révolte des boxers à l'explosion du business, il faut retracer l'histoire des relations entre Paris et Pékin. Ensuite, nous chercherons à saisir ce qu'est le quotidien aujourd'hui d'un Pékin moyen en Chine. On enchaînera sur une authentique petite surprise de président Chirac lui-même qui viendra nous faire part d'une curieuse histoire pékinoise. Rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, dans la foulée, justement, nous te révélerons les véritables raisons des tribulations d'un Chirac en Chine au mois d'octobre dernier. Et enfin, te raconter ce dîner asiatique qu'ont vécu Monique et Jean-Claude mercredi dernier dans le restaurant chinois de Monsieur Chang au Mandarin Céleste. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, un point de Tsetung. We're Let's Twist Again, dansons encore le twist, c'est ce que chante en 1965 le remuant Shubby Shaker. Parce qu'à Shaker qui passe, la Chine Shubby 1826 naissant, soit un enfant toutes les deux secondes, Let's Twist Again quoi. Alors, plus sérieusement, cette semaine, la panique au Manja Palace a donc décidé de s'intéresser à Pékin, autrement dit Beijing, la capitale de la République populaire de Chine, le pays le plus peuplé au monde avec plus d'1,3 milliard d'habitants. C'est énorme. L'histoire des relations entre la France et la Chine ne débute véritablement qu'au XIXe siècle, quand les puissances européennes profitent de l'affaiblissement du pouvoir impérial pour entamer une colonisation discrète de la Chine. Ainsi, prenant pour prétexte le manque de liberté du commerce de l'opium, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à la Chine en 1856. Les peuples d'à présent, on le dit souvent, sont en guerre tout le temps. Faut donc mettre de l'eau dans notre vin blanc. Faisons des concessions, donnons l'impression de l'abnégation pour éviter les chocs et les discussions. Voyons mon vieux, fais-nous des concessions. Car avant tout, faisons des concessions. Les concessions, ce sont des territoires chinois placés sous le contrôle des étrangers, français, britanniques, japonais, russes ou encore allemands. La Chine, c'est alors un gros gâteau que les puissances en cours d'industrialisation se partagent allègrement. Ainsi, de 1881 à 1885, la France est une nouvelle fois en guerre contre la Chine pour prendre le contrôle du fertile delta du fleuve Rouge, une région que les Français appellent... Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanguée qui moise. Dans le lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Ainsi, à la fin du 19e siècle, après une guerre contre la Chine, donc, la France affirme sa souveraineté sur le Tonkin, une région colonisée très vite rattachée à l'Indochine. Mais la Première Guerre mondiale marque un arrêt de la colonisation européenne. Dans les années 20, en Chine, les nationalistes du général Chiang Kai-shek s'opposent aux communistes de Mao Tse-tung. Cette guerre civile se termine en 1949 avec la victoire des communistes sur les nationalistes qui, eux, se replient alors sur l'île de Formose, aujourd'hui devenue Taïwan. Quand Mao arrive au pouvoir, il proclame la République populaire de Chine. Mais la plupart des pays occidentaux, États-Unis en tête, ne reconnaissent que les nationalistes réfugiés à Taïwan. Pourtant, en France, président de Gaulle cherche à se démarquer nettement des États-Unis et veut affirmer l'indépendance nationale de la France. Et vas-y que je me dote de l'arme atomique en 1960 et que je critique l'intervention au Vietnam en 1964. Et oui, dans un contexte de guerre froide, de Gaulle se veut le poil à gratter des États-Unis. Alors en 1964, donc, c'est vraiment fait. Eh bien voilà, c'est fait. Entre Paris et Pékin, on s'y attendait, donc aucune surprise. À 12h précises, le Quai d'Orsay a rendu officielle la nouvelle par un communiqué. Ce communiqué, je vous le lis, « Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ont décidé d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Ils sont convenus à cet effet de désigner des ambassadeurs dans un délai de 3 mois. » Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. En 1964, la France reconnaît la Chine, République populaire de Chine. La France entretient donc, dès les 60s, des rapports diplomatiques amicaux avec la Chine populaire. D'ailleurs, en 1973, président Pompidou rend visite au grand timonier Mao, qui apparaît alors comme le seul qui puisse éviter les dérives ultra-révolutionnaires menées par la bande des quatre, avec à sa tête Yang Qing, l'épouse de Mao lui-même. Mais en 1976, grosse rupture et la voie semble libre désormais pour Madame Mao. Mao Tse-tung est mort, le comité central du Parti communiste chinois rend hommage au grand maître du prolétariat international, des nations et des peuples opprimés. Aucun gouvernement étranger, aucun parti frère, aucune personnalité amie aux cérémonies de deuil. Valéry Giscard d'Estaing rend hommage à la mémoire du président Mao, un télégramme de condoléances du Premier ministre Raymond Barre. Problème numéro 1 à Pékin, la succession, le Premier ministre Wakuo Feng face à l'aile gauche chinoise. Moscou, pas de réaction officielle, dans l'immédiat, pas de modification profonde des rapports entre les deux pays. Mao est donc remplacé par Gua Guofeng, rapidement écarté par le réformiste Deng Xiaoping qui, lui, a miraculeusement échappé aux purges de la révolution culturelle. Yang Qing, la veuve de Mao, est alors arrêtée et la nouvelle ligne politique instaurée par Deng Xiaoping dans les années 80, c'est le socialisme de marché. Ils ont troqué leur col Mao pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les frères vieux cons. Dans les années 80, la Chine communiste se tourne donc doucement vers l'économie de marché et la liberté d'investir. Mais bon, attention, pour les droits de l'homme et la liberté d'expression, en 1989, on garde les bonnes vieilles habitudes totalitaires. La contestation étudiante en Chine, pour la première fois depuis un mois et demi, date du début des manifestations. Le sang a coulé hier soir à Pékin. La capitale, en état de quasi-insurrection contre l'armée, a été le théâtre de nombreux et très violents affrontements. 14 jours après l'instauration de la loi martiale, les soldats sont arrivés sur la place Tiananmen, mais en tirant sur la foule à la mitrailleuse et même, semble-t-il, au canon. Pour l'instant, on ignore le nombre exact de victimes, mais selon plusieurs sources, cette intervention de l'armée aurait fait 500 morts. Au total, plusieurs dizaines de milliers de soldats armés de fusils d'assaut ont participé à cette opération, prenant Pékin en tenaille. En ce moment même, des heurts opposeraient toujours dans les rues de Pékin l'armée aux manifestants. La répression du printemps de Pékin a fait des milliers de morts. Et aujourd'hui encore, le massacre de la place Tiananmen est complètement occulté. Mais bon, ce qui semble désormais au cœur des relations franco-chinoises, c'est bien sûr le commerce. Ainsi, la République populaire de Chine est entrée en 2001 dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, certains qui sont un peu sensibles, comme Serge Dassault, ben, ça les bouleverse. On ne vit pas seul. On a la concurrence nationale. On a les Chinois. Les Chinois vont gagner la bataille économique. On va devenir un pays sous-développé. Mais, enfin, il faut Monsieur pas Dassault, croire qu'on est les meilleurs du monde. C'est pas un petit peu caricatural ce que vous dites ? Mais non, ne dites pas ça. Pas n'importe quoi. On oublie que l'économie, c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. Si on ne peut pas le faire, si ce sont les Chinois qui le font, eh bien, on achètera des produits chinois, de produits chinois. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui s'enrichissent, c'est les Chinois qui vont acheter toutes ces entreprises, et donc, comme des imbéciles, on se dit, ah, les qui sont sociaux, pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. 700 millions de Chinois, Emma. Je suis marchand de canon, venez me voir pour vos enfants. Canon à vendre. Ah, la jolie mondialisation libérale. Elle n'est belle que quand on la contrôle. En fait, il a raison, Monsieur Dassault. Le modèle chinois, c'est vraiment celui qu'il faut suivre. Parce qu'en Chine, au moins, on ne l'entendrait pas parler librement à la radio, Monsieur Dassault. Lui, qui n'a pas réussi à vendre un seul de ses rafales. Et oui, trop cher, même pour ses copains de Pékin. Mon copain de Pékin, rencontré sur mon chemin, dans une rue pleine de poussière, tout au bout de la terre. Il ne m'a rien dit, simplement il m'a souri. Et l'on est devenu copains dans les rues de Pékin. Il était vêtu d'un costume en toile bleue qu'il promenait dans la rue d'un air bien heureux. Mon copain de Pékin, il n'en saura jamais rien. En suivant son pas tranquille, j'ai connu sa ville. Que le monde est petit, que le monde est joli. Il est tout plein d'amis comme lui. Les tramways de Pékin font sonner dès le matin leur carillon musical tout le long des rails. dans la rue qui bouge. Le vendeur de poissons rouges fait claquer ses petits bâtons en bois de bambou. Le marchand de primeurs, un artiste à sa manière, jongle avec toutes les couleurs des fruits de la terre. Et puis des enfants vous bousculent en courant derrière les petits plateaux du marchand de gâteaux. Dans le monde entier, les rues sont remplies d'images, et c'est avec ce langage qu'elles se font aimer. Toutes leurs maisons sont faites pour la même raison, protéger le bonheur des gens qui vivent dedans. Et si mon copain, il aime mieux le riz que le pain, il préfère le thé au vin, ça ne change rien. Mon copain de Pékin, rencontré sur mon chemin, dans une rue pleine de poussière, tout au bout de la terre. Il a emporté, ce jour-là sans le savoir, rien qu'en croisant mon regard, toute l'amitié d'un enfant de Paris. Mon copain de Pékin. Mon copain de Pékin, un ami de Francis Lemarque qu'il nous présentait en 1955. C'est sans doute également ce qu'a dû dire le camarade Staline aux puissances occidentales lorsque la Chine est devenue communiste en 1949. Arrêtez d'emmerder le président Mao. C'est mon copain de Pékin, merde. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des relations entre Paris et Pékin, poursuivons notre escapade asiatique, toujours en direct du Mangin Palace, en nous intéressant quelques minutes à la vie quotidienne d'un Pékin moyen en Chine. Oui, vénérable ami, à quoi ressemble la vie d'un Pékinois aujourd'hui ? Vivre à Pékin, c'est vivre au cœur d'une cité millénaire où les coutumes ancestrales résistent avec la force et la sérénité du dragon au temps qui s'écoule. Vivre à Pékin, par exemple, c'est pratiquer le tai chi dans les jardins publics au lever du soleil. Lao Tzu lui-même vantait les vertus du tai chi plusieurs siècles avant la naissance de Jésus. Art martial sublime qui consiste à lutter contre des ennemis imaginaires dans une chorégraphie de mouvements lents et raffinés afin d'extérioriser son énergie. C'est ainsi qu'au milieu des bulldozers qui travaillent jour et nuit dans la cité céleste, l'âme du Pékinois demeure paisible et forte, telle la fleur de jasmin au printemps. Au tai chi s'ajoute bien sûr la légendaire sagesse chinoise. Entre confucianisme et taoïsme, le Pékinois dispose d'une grosse collection de proverbes qui n'ont rien à envier à certaines paraboles évangéliques. Parfois, devant la porte du palais de l'harmonie suprême, il arrive qu'un vieux Pékinois accepte de partager avec toi une pensée de cette philosophie séculaire pleine de bon sens. Méfie-toi de la ruse de la femelle en rut. Va droit au but, sans tomber dans les fils de la toile qu'elle aura tissée pour te piéger. Ah ben oui, le Pékinois est méfiant. D'autant qu'il n'a pas intérêt à se tromper, en effet, sur la femme qu'il choisit pour fonder une famille. Car quand on connaît la politique de natalité imposée par le gouvernement chinois, eh ben, concrètement, ça veut dire quoi pour le Pékinois ? Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il ait ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin. Et voilà, un enfant unique par chinois, sinon tu perds toutes tes allocs et en plus tu payes une lourde amende au gouvernement si tu en fais un second. Résultat, quand c'est une fille qui naît en premier, même si elle sourit, mieux vaut la cantonner à la noyade, c'est plus rentable. Eh bien, malgré cette politique de l'enfant unique, il n'empêche, figure-toi, que la densité démographique à Pékin est hallucinante. Du coup, pour se déplacer en ville, laisse tomber la bagnole et fais comme tout le monde à Pékin. Fais du vélo, fais du vélo. Faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Enfin, même sur un vélo, faut faire gaffe, hein, à Pékin. Car tu sais bien, par exemple, qu'en traversant la place Tiananmen, tu pourrais bien te faire écraser par un char. Et oui, parce que vivre à Pékin, c'est encore aujourd'hui subir les foudres d'une dictature communiste qui ne rigole pas du tout. Ainsi, les Pékinois doivent parfois se rassembler pour entretenir la célébration du culte. Nous sommes des tigres de papier, mais des tigres vivants! L'omniprésence, aujourd'hui encore, du dictateur Mao à Pékin est impressionnante. Le mausolée, bien sûr, mais aussi son effigie sur tous les billets de banque ou encore des statues à chaque coin de rue et enfin tous les produits dérivés. T-shirts, casquettes, briquets et tout ce que tu veux. Du coup, le Pékinois voit Mao partout. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un Esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Mais alors, me diras-tu, quels sont les grands changements dans le quotidien du Pékinois depuis la mort du grand timonier? Eh bien, Deng Xiaoping, son successeur, a surtout permis aux Chinois de s'enrichir un peu, afin qu'ils puissent se nourrir à leur faim notamment. Seulement voilà, depuis quelques années, la grippe aviaire, dis donc, s'est abattue sur la Chine. Résultat, c'est la fin du poulet au gingembre et surtout du célèbre canard laqué dont le Pékinois d'aujourd'hui se méfie énormément. Va te mettre au coin, coin, coin, coin, coin, petit canard. Tu n'es qu'un vaurien, coin, coin, coin, coin, petit canard. Oui, va te mettre au coin, coin, coin, coin, coin, petit canard. Ah, tu n'es qu'un vilain, coin, coin, coin, coin, petit canard. Alors, que dire d'autre sur les changements apportés par Deng Xiaoping dans le quotidien des Chinois depuis 30 ans? Bien sûr, la principale réforme, c'est l'autorisation de faire du commerce avec les Occidentaux. Et le mieux, je crois, c'est de laisser la parole à président Chirac lui-même pour qu'il nous raconte comment il fut un artisan du développement de ses relations commerciales entre la France et la République populaire de Chine. Séquence fou rire, nous sommes en 1986, jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Dans un instant, un sketch signé Jacques Chirac. En 1978, M. Deng Xiaoping est revenu à la tête des affaires chinoises. Très gentiment, il m'a invité. Et j'étais à peine installé dans mon avion que je vois arriver un petit monsieur, pas très grand, qui arrive et qui me dit « Vous êtes monsieur Chirac ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « J'ai lu dans le journal que vous connaissez bien monsieur Deng Xiaoping. » Je dis « Oui ». Il me dit « Voilà, moi je fabrique des petites pompes. » Ah, des petites pompes. Et quelles petites pompes ? Il me dit « Des petites pompes pour pomper, n'est-ce pas ?» Et il me dit « Voilà, je fais les meilleures petites pompes du monde, ça ne fait aucun doute, et probablement les meilleurs marchés. Il y a un très grand marché en Chine. » Et alors j'ai pensé que vous pourriez parler de mes petites pompes. Ben, je lui dis, monsieur, je verrai, j'essaierai d'en parler bien volontiers. Bon, là-dessus, je m'endors. Nous arrivons, avant d'atterrir, le petit monsieur revient me voir et me dit, voilà, vous n'oubliez pas une petite pompe, alors je vous donne ma petite valise, comme ça vous pourrez montrer mes petites pompes à monsieur. Alors je lui dis, écoutez, je voulais être aimable, je lui dis, écoutez, la petite valise, vous voyez, je suis déjà un peu chargé, mais peut-être qu'une documentation suffirait, bon. Et le soir, je vais dîner en tête-à-tête avec M. Deng Xiaoping et je vais rentrer vers 2h du matin. Alors, j'entre dans mon hôtel, on me dépose, j'entre dans mon hôtel, je traverse le hall et puis alors je vois tout d'un coup quelque chose qui jaillit du fauteuil, c'était le petit monsieur aux petites pompes, qui me dit « Alors, vous avez dîné ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Vous avez parlé de mes petites pompes ?» Je dis « Oui, ce qui était vrai, c'est pas, j'avais parlé de petites pompes. » Et il me dit « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Ben, je lui ai dit « Il m'a dit qu'il allait faire voir ça par ses experts. Ben, » Elle me dit, c'est pas suffisant. Elle m'a dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut absolument maintenant lui montrer mes petites pompes. J'ai lu dans le journal que vous redéjeuniez demain avec lui. Alors, il faut lui montrer mes petites pompes. Je lui dis, écoutez, monsieur, je vous promets de faire le maximum, mais je ne vais pas me transporter avec les petites pompes. Mais je lui en reparlerai. Le lendemain, je redéjeune avec monsieur Tenserping. Et je lui dis, écoutez, vraiment, il y a un service à me rendre. Il faut absolument... N'en achetez pas beaucoup, si vous voulez, mais achetez-en quelques-unes. Parce que sans ça, je perds la face. Et vous savez, vous, Asiatiques et Chinois, ce que ça peut représenter de perdre la face, n'est-ce pas? C'est pas possible. Bon. Et je lui laisse toute ma documentation. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Bien. Fin du premier acte. 4 ou 5 mois après, ou 6 mois après, je sors de mon bureau à l'hôtel de ville et je vois mon huissier qui était aux prises physiquement, n'est-ce pas, avec un petit monsieur. Je reconnais mon petit monsieur. Alors, je lui dis, entrez, je lui dis, comment ça se passe? Il me dit, ça va très bien. Quand vous m'avez connu il y a 6 mois, j'avais 50 ouvriers, j'en ai 150. On va monter maintenant à 200 ou 250. J'ai le monopole de l'exportation des petites pompes sur le marché chinois. Ah, on me dit que vous allez au Japon prochainement. LDN, chanson interprétée par Lily Allen, jeune anglaise encore inconnue il y a quelques mois, jusqu'à ce que plusieurs millions d'internautes du monde entier découvrent sa musique sur la toile. Sauf à Pékin, bien sûr, puisque le gouvernement chinois contrôle d'une main de fer tous les accès à Internet. Ah bah oui, on leur vend des petites pompes, ok, mais bon, ça reste une grosse dictature quand même, hein. Alors maintenant, à 11h33, la panique pékinoise au Mangin Palace va te révéler les véritables raisons des tribulations d'un Chirac en Chine à la fin du mois d'octobre dernier. Voyage officiel, certes, soi-disant pour refourguer des Airbus, mais connais-tu réellement les coulisses de Pékin ? Adolescent, président Chirac passait tout son temps libre au musée Guimet à Paris. Il était fasciné par la culture et la philosophie chinoise. Depuis, à de nombreuses reprises, c'est dans la littérature de Lao Tzu qu'il trouve refuge lorsqu'il s'emmerde. Autrement dit, il le connaît par cœur. Seulement voilà, face à l'incertitude de la stratégie qu'il doit adopter dans les mois qui viennent, président Chirac a pensé qu'il devait impérativement se rendre à Pékin dans l'espoir qu'un vieux sage chinois accepte de le recevoir pour lui transmettre son savoir. C'est ainsi que le jeudi 26 octobre dernier, après avoir dîné avec le président chinois Jintao, président Chirac doit se rendre seul à un mystérieux rendez-vous secret dans les bas-fonds pékinois. Mais bon, il est 23h30 et Bernadette s'inquiète. Elle ne comprend pas que Jacques doive ressortir à une heure pareille. Ce n'est pas raisonnable. Président Chirac s'avance alors vers son épouse et lui dit que... T'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es resté comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends? J'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Président Chirac ne sait quoi répondre à Bernadette. Il est consterné. Il sort de sa chambre et claque la porte de la suite 2046. Il se dit que franchement... Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas? Celle-là est une acrobate qui la nuit fait du jiu-jitsu. Il faut vous accrocher à ses nattes, sinon c'est elle qui prend le dessus. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas? C'est ainsi que président Chirac déambule seul dans l'agitation nocturne des rues pékinoises dans le quartier chaud de Tiananmen. Il a rendez-vous avec un cireur de chaussures devant l'échoppe d'une épicerie fine. Ce Chinois doit le conduire à M. Wang Chengji, un disciple du vieux sage de Pékin que désire rencontrer président Chirac. Après quelques minutes d'attente, un homme se présente devant lui. Oui, c'est bien lui, c'est le cireur de chaussures. Président Chirac s'incline et se présente. Chi Chu Chao Man Sdi Pasu, Ma Ke So Chui Wan Se Lining Chou Ou Sui. Ah, ni Yang Zhong Hua. Vous parlez chinois? Non, très mal. J'apprends, je débute, mais j'aime tellement cette langue. C'est la langue des véritables combattants de la Révolution. Et vous savez que tous les Français ont dans leur cœur un révolutionnaire qui sommeille. Nos deux compères à l'âme révolutionnaire s'enfoncent alors dans une ruelle éclairée par des lampions. Chang, le cireur de chaussures, dit à président Chirac qu'avant de lui présenter le vieux sage, M. Wang Chengji aurait un service à lui demander. C'est alors qu'ils arrivent à la pagode de ce monsieur en question qui attend président Chirac sur le pas de sa demeure. Permettez-moi de me présenter, Wang Chengji. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Messieurs, voici celui dont l'aide nous sera infiniment précieuse. Nous sommes une société secrète, les fils du dragon. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être nous aider. Certes, les aider, d'accord. Mais de quoi s'agit-il, merde? Se demande président Chirac. Monsieur Wang Chengji lui explique qu'il sait pertinemment que président Chirac est un redoutable joueur de mahjong. Et cette nuit, justement, dans un tripot pékinois, une énorme partie doit se jouer entre deux triades, la leur, les fils du dragon, et leurs adversaires, les tigres de Shanghai. Les vaincus devront disparaître. Si président Chirac remporte la partie, M. Wang Chengji lui présentera le vieux sage chinois. Président Chirac accepte cette partie de mahjong. Et c'est ainsi qu'à 3h du matin, dans la fumée des cigares, la tension est à son comble. Quand tout à coup, le joueur des tigres de Shanghai dit à président Chirac « Banco !» Je m'excuse, vous savez, je débute dans le chinois et... Mais Banco, ce n'est pas du chinois, c'est d'accord. Ah, Banco ! Banco ! Ah, Banco ! Banco ! Banco. Sur un coup donc, cette redoutable partie de mahjong va basculer. C'est alors qu'un Chinois, le leader des tigres de Shanghai, reconnaît enfin président Chirac et dit alors à son joueur que... Regarde, c'est un tricheur. Partout, on se méfie de lui. Regarde, c'est un tricheur. Il dit n'importe quoi à n'importe qui. Mais qu'importe, Si président Chirac triche, ils lui trancheront la gorge. Et puis surtout, les tigres de Shanghai veulent en finir ce soir avec les fils du dragon. La tension est intenable quand président Chirac, en trichant bien sûr, mais sans que personne ne s'en aperçoive comme d'habitude, remporte cette terrible partie de Mahjong. Monsieur Wang Chengji est euphorique et dit à président Chirac que... Vous avez le courage du tigre et la force du dragon. Et vous, mon cher Li, la ruse du renard. Bien sûr, il faut désormais honorer la promesse faite à président Chirac. Dans 2 heures, à l'aube donc, M. Wang Chengji le conduira dans un monastère bouddhiste auprès du vieux sage chinois. Au milieu de ces moines bouddhistes, président Chirac est conduit vers un temple au fond de ce parc à l'harmonie céleste. Il y trouve un vieux monsieur hors du temps, à la barbe et aux cheveux blancs, assis en tailleur et qui lui confie que... Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Président Chirac se dit que tout de même, c'est un peu léger comme proverbe chinois. C'est alors que le vieux sage lui demande de s'approcher pour lui révéler ceci. Président Chirac sourit niaisement, il n'a pas tout compris, mais en gros, il a saisi que l'agneau qui se déguise avec une peau de tigre craint toujours le loup. Président Chirac sait désormais ce qu'il lui reste à faire dans les mois qui viennent. En rentrant à l'hôtel, Bernadette, elle, s'était enrhumée. À cause de la clim, quoi. Kasuhai, à vos souhaits, c'est ce que chante l'immense Grace Chang, une actrice majeure du cinéma chinois, mais aussi une chanteuse, trop souvent oubliée de la programmation musicale de France Inter. Alors, pour prolonger notre balade dans l'Empire du Milieu, il est temps maintenant, à 11h43, de retrouver nos deux chineurs d'histoires improbables, nos Pékin Pekno, les vénérables Monique et Jean-Claude. Nos deux héros sont allés mercredi soir. Et quelle chance pour nous, dîner en tête-à-tête dans un restaurant chinois. Ça tombe bien donc, puisqu'aujourd'hui justement, c'est tuer Pékin. C'est Monique qui a insisté pour aller manger chinois. Car Jean-Claude, lui, il est plutôt du genre entrecôte frites. Arrivé au restaurant, au Mandarin Céleste, Jean-Claude est tout de suite impressionné par la décoration sophistiquée, surtout par cette jolie cascade qui coule au milieu des rochers en plastique. Bien installé, Jean-Claude a beau avoir lu trois fois la carte, il ne sait toujours pas quoi commander. J'hésite entre un dindon laqué, un hibou aux ananas. Ah, ah, ah. Pourtant je suis tenté par le cobra, j'observais aux germes de soja. Ah, ah, ah. Je viens pour la première fois, alors je vous en prie, guidez-moi. Honorable client, bienvenue mon restaurant chinois. Tout compte fait, Jean-Claude prend des nems et un canard laqué, classique. Monique, elle, veut absolument goûter une vraie spécialité chinoise, quelque chose de pas commun. Le serveur a beau lui conseiller le canard laqué ou les crevettes à la sauce piquante, rien à faire. Ce qu'elle veut, Monique, c'est manger du... Non, madame, pas de la panda ici. Alors, pour Monique, c'est donc canard laqué, comme Jean-Claude. Mais si Monique a longtemps hésité pour commander le plat, pour la boisson, il n'y a aucun problème. Ce qu'elle veut, c'est une bière. Monique prend donc une bière Tsingtao. Mais pas Jean-Claude. Il accepte déjà de manger des trucs bizarres, alors pas question de boire de la bière venue on ne sait d'où. Non. Ce qu'il veut, Jean-Claude, pour dîner, c'est du... rouge, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué. Rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché. Rouge, comme le feu du volcan qui va se réveiller. Rouge, comme cette étoile au cœur de ce dormeur. Le serveur apporte donc une bouteille de vin rouge à Jean-Claude et verse un fond de verre pour que son client le goûte. Jean-Claude, qui sait se tenir au restaurant même chinois, porte le verre à son nez, puis à ses lèvres sous les encouragements du serveur. Tchin, tchin, tchin, tchin. À la bonne note. Fameux, n'est-ce pas? Voyez-vous, j'ignorais que les citoyens de Pékin fussent amateurs de vin. Mais voyons, la Chine est par excellence le pays des bons vins. Nous avons là-bas le moulin à Wang, du blanc de Blanc, du Chang Bertin, du Jun Yanas. Nous avons tous les vins en Chine. Jean-Claude est stupéfait. Ils sont vraiment trop forts, ces Chinois, dans la contrefaçon. Le repas se passe admirablement bien. Monique, elle, a moucheté le mur de petites taches brunes en voulant manger son canard laqué avec des baguettes. Jean-Claude, quant à lui, a décidé de manger avec ses doigts. C'est plus simple. C'est alors qu'un client installé seul à la table d'à côté les regarde en souriant. Jean-Claude, qui ne supporte pas qu'on se moque de lui, réagit immédiatement. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Le client recule, très étonné de la réaction du Jean-Claude. Il explique qu'il a simplement longtemps vécu à Pékin et qu'il peut leur apprendre à utiliser des baguettes. Jean-Claude et Monique acceptent l'offre de l'inconnu, qui leur dit que pour eux, le mieux, c'est de prendre une seule baguette et d'harponner les morceaux de nourriture. Ce n'est pas très authentique, d'accord? Mais bon, dans ce restaurant, ce n'est pas très grave, parce que franchement, le client leur dit que... Ici non plus, c'est pas très authentique, mais avec le vent du Tibet, ça peut faire illusion. Tenez, mon vieux. Si je vous disais que certains soirs, hein, derrière ce mur-là, eh ben j'ai vu, pas cru voir, hein, j'ai vu une ville, des tramways, la foule, des drames. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous voulez comme remontant? Je vous fais confiance. Bon. Est-ce que tu confectionnes toujours ton espèce de saké, là? Oh, bien sûr. Alors, ça sera deux. Monique, Jean-Claude et le client mystérieux se font donc servir du saké dans des petits verres très rigolos. Jean-Claude, qui ne veut pas paraître trop ringard, raconte que lui aussi, il connaît bien la Chine. Il y a la Chine aussi qui a ouvert ses portes maintenant, la Chine. Plus on est de fous, moins y a de riz. Alors j'ai parlé avec un Chinois, moi, qui parlait un peu le turc. J'ai dit, mais ça vous emmerde pas de voir les Blancs arriver chez vous, ils ont fait que des conneries, les Blancs. Même chez eux, vous craignez pas le mélange? Il m'a dit, on ne craint pas le mélange, vous savez, dans un œuf, il y a du blanc et du jaune. Et ben quand on mélange, il reste plus que du jaune. Hein. Le nouvel ami de Monique et Jean-Claude semble très content de discuter avec eux. À peine sont-ils vidés que les verres de saké sont à nouveau remplis. Tout va bien. Jean-Claude sent monter en lui la douce chaleur de l'alcool de riz. Mais soudain, Jean-Claude, qui vient de vider son énième verre, se rend compte que la femme nue qui se trouvait au fond a disparu. Mais reviens à moi. Vois-tu, n'attends plus que toi, mais reviens à moi. Monique est effarée de voir son Jean-Claude bourré comme une huître au saké. Elle qui voulait de l'exotisme, elle est comblée ce soir. Nuit de Chine, nuit d'Aline, nuit d'amour. Jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Mais Jean-Claude, lui aussi, est très heureux d'avoir découvert une nouvelle cuisine et surtout un nouvel alcool. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Nuit d'amour. C'est clair, pour Jean-Claude, il est grand temps de rentrer à la pagode. Fin de l'histoire. C'est certain, Monique et Jean-Claude retourneront dans ce restaurant chinois en espérant y retrouver ce client mystérieux venu de Pékin, un baroudeur, un aventurier, quoi. L'aventurier, c'est ce que chantait en 1982 le groupe Indochine, parce qu'aujourd'hui encore, pour aller à Pékin, sur les traces de Marco Polo ou d'Albert Londres, il te faut une petite âme d'aventurier. Alors, nous voici donc arrivés au bout de notre voyage asiatique jusqu'à la ville de Pékin. Des concessions étrangères en Chine à sa politique étrangère sans concession, de la fureur du dragon à l'harmonie céleste, et de président Chirac en redoutable joueur de mahjong à Jean-Claude en lamentable buveur d'alcool de riz, nous t'avons dressé un panorama incomplet et subjectif, bien sûr, de ce que peut être la ville de Beijing. Alors, c'est quoi exactement Pékin aujourd'hui ? Eh bien, c'est une agglomération de 15 millions d'habitants, mais surtout la capitale de la plus grande dictature du monde. Et même si la Chine ouvre en partie son économie aujourd'hui, elle est encore pour nous, occidentaux, chargée de mystères et de fantasmes. Il paraît que les Chinois ont de tout petits pieds. Il paraît que les Chinois ont les cheveux nattés. Que là-bas, les paysans portent des robes bleues. Et que le requin est moins cher que le pot au feu. Des pays, et bien sûr, y en a pas qu'un. Mais mon rêve à moi, moi, c'est Pékin. Pas Shanghai, ni Canton, ni Nankin. Moi, je ne veux rien que voir Pékin. La grande muraille me tend son abri. Il faut que j'y aille. Où j'en perdrais la vie. Si Pékin a tant de prix pour moi, c'est que je ne suis qu'un petit Pékinois. Par ailleurs, Pékin est une ville en profonde mutation et en pleine croissance qui attend désormais les Jeux Olympiques en 2008. Tu me diras, cette mutation et cette croissance concernent également l'ensemble de la Chine. Certes, il y a d'immenses disparités entre la Chine du littoral et celle de l'intérieur, mais globalement, par exemple, depuis qu'on a commencé cette émission, il y a 53 minutes donc, 1613 bébés chinois sont nés, dis donc. Eh bien, malgré cette loi de l'enfant unique, en Chine populaire aussi, l'amour est enfant de bohème. C'était Carmen en chinois, donne-moi ta main et Tiananmen. Voilà, fin du 57e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de rien avoir oublié, c'était C'est quoi Pékin, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutrac et Archi Loufoque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Benjamin de la Gâtinée et de Pierre-Yves de Rollin, merci beaucoup à vous deux.